sur ma tête. Quand mes textes le son pète, on navigue en pleine tempête, loin des traites qui s'arrêtent, mais répète MGS, le nom de ma secte. C'est bête et méchant, mec, ferme ton bec sur le champ. Prends la fuite pendant qu'il est temps. Si l'équipe prend les armes, ce sera le grand drame. Mon clan réclame les têtes de ceux qu'on crame à cracher sur les miens. Surtout préviens les tiens, c'est bien le 6-0, là d'où l'on vient. Dites-nous combien vous serez. THIMS du vrai, nos beats sont prêts, nos beats sont prêts, nos beats sont prêts, nos beats sont prêts. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style, et kiffent le style, et kiffent le style, et kiffent le style. Sans douter, je pose un autre couplet pour m'y enterrer. Ceux qui ont oublié le premier, tous ces fumiers, tôt ou tard, faudra les fumer un par un jusqu'au dernier. J'suis censé graver les dates de vos décès, mais je sais pas rabaisser les faux sans les blesser. Ils vont caisser des mots qui les font stresser. T'as ma parole, mec, on va les dresser étape par étape. Si ça dérape, que personne n'y échappe. Là où on frappe MGS, mes soldats sont soudés. On lâche que des attaques groupées. Avançons peu à peu, juste pour pas en louper, juste pour pas en louper, juste pour pas en louper. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style. Pour le triplé, pour le triplé, pour le triplé, THIMS arrive équipé face à ceux qu'on va étriper. Les mecs dissipés, ils nous sont faux peu pour les faire flipper. On inspire la peur, respire l'odeur du six bulles et ses rôdeurs qui coupe le souffle de plusieurs rappeurs. C'est clair, quand ma secte MGS prend de l'ampleur, les faux frères finissent en pleurs et l'air de rien, certains en meurent. Face à la rue, aucun ne passe inaperçu. Les menaces de censure me rassurent pas. C'est comme du sang coulant sur nos armures. Fais appel aux grandes gueules s'ils veulent tester en duel. MGS et ses ruelles leur laissent des séquelles. Trop cruel, trop cruel, trop cruel, trop cruel. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style. Voici le cycle, bulle au fil du temps, le flow défile, les faux reculent et kiffent le style. Mon Jean Cray, 6-0, dédicace. Louvre, 9-5, Villiers-le-Bel, Gousse.